de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un père ne devrait regarder les prétendants qu'à travers les yeux de sa fille. La formule est légitime, oui, mais dans ce cas-là, il n'y aurait jamais de drame ni de comédie. C'est une comédie que nous allons entendre. Une comédie peut-être pas toujours facile à suivre. Il faut dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles et de prétendants, tant mieux. Et les amoureux ne sont pas toujours aimés, tant pis. Il y a également quelques rois, celui des elfes, entre autres. Quelques reines, celle des fées, qui ne manquent pas d'idées. Un esprit malicieux et coquin, Puck. Quelques gouttes d'un suc magique. Et surtout, un bois, une nuit. Et bien sûr, Shakespeare. Première diffusion de cette comédie, le 24 novembre 1949, sur la chaîne nationale. La radiodiffusion télévision française présente, en nouvelle diffusion, les grandes œuvres de Shakespeare. Ce soir, Le songe d'une nuit d'été, dans une adaptation de Georges Neveu, et avec une musique originale de Georges Auric. Dans l'ordre alphabétique, Roland Alexandre, de la Comédie française, Louis Arbessier, Georges Baconnet, de la Comédie française, Edmond Beauchamp, Lucienne Bogart, André Bruneau, Société honoraire de la Comédie française, André Carnège, Jacques Dacmine, Moni Dalmès, sociétaire de la Comédie française, René Dandry, Maurice Escande, sociétaire de la Comédie française, Hieronymus, Jean Deligne, Bernard Lajarige, Bernadette Lange, Jacqueline Moran, Lily Sioux, Temerson et Jean Tissier en furent les interprètes, sous la direction artistique de Léon Ruth. Athènes, devant le palais de Thésée. Jamais quartier de lune n'a mis plus longtemps à mourir. Je le surveille avec la tendre sollicitude d'un étudiant au chevet d'un oncle à héritage. 4 jours encore, Hippolyte, mon amour. Ces 4 jours, Thésée, je les sens qui nous quittent déjà sur la pointe des pieds, suivis de leurs 4 nuits. Je la vois déjà, la nouvelle lune, pareil à un archer vêtu de blanc, faire son entrée par la grande porte du ciel et poser sa lanterne sur le mur de ronde pour éclairer notre nuit de noces et la joie populaire. La joie populaire. Tu entends, Philostrate, mon gros commissaire au fait? Tu ne vas plus avoir de loisir de ronfler 2 fois par jour le nez dans ta serviette. Allons, allons, rassemble tous les jeunes gens d'Athènes. Dès ce soir, je veux qu'on enterre au violon cette vieille demoiselle un peu sourde qu'on appelle la tristesse. Bien, Majesté. Depuis que les trompettes de guerre ont jeté mes Athéniens sur vos Amazones, je vous poursuis personnellement, Hippolyte, à chaque bataille et le sabre à la main. Vous voilà prise, enfin, ô ma reine. Mais non, ma victoire est finie. Et c'est le bruit de la vôtre qui se répand dans le ciel. Monseigneur, Monseigneur, Monseigneur. Ah, Monseigneur, excusez-moi, j'en ai la respiration coupée. Alors, Hégé, quelle nouvelle? Oh, épouvantable. Vous avez devant vous un père qui vient porter plainte contre sa fille. Oh, parfaitement, parfaitement, contre sa fille. Approche donc, Démétrios. Approche. Oui. Monseigneur, voici. Le garçon que voici m'a demandé la main d'Hermia. Elle est à vous, lui ai-je répondu, et ma parole, c'est ma parole, mais voilà que... Alors, approche, approche aussi, Lisandre. Oui, approche, oui. Voilà. Mais voilà que monsieur est venu faire le joli cœur autour de ma maison. Oh, ah, inutile de protester, on t'a vu lancer des boulettes de papier par la fenêtre entrouverte. On t'a entendu roucouler sous mon balcon la dernière sérénade à la mode. Bijoux, bonbons, billets enflammés, clair de lune et bouquets de violettes, tous les ambassadeurs de l'amour sont venus frapper à ma porte. J'ai eu beau ne jamais ouvrir, ils s'en sont retournés avec le cœur d'Hermia. Et maintenant, ma fille n'est plus ma fille. Oh, mon père. Ah, mais quand je lui parle de Démétrios, elle me tourne le dos. Voilà pourquoi je voulais amener mon seigneur, et si en présence de votre grâce, elle osait refuser Démétrios, je réclamerai l'application de l'antique loi d'Athènes sur les filles rebelles. Oh, mon père. Eh bien, Hermia, quel sera votre dernier mot? Avant de me répondre, dites-vous bien que Démétrios est un garçon digne de vous. Lysandre aussi. Oui, mais à égalité, c'est Démétrios qui l'emporte, puisqu'il a toutes les qualités de son concurrent, plus la parole de votre père. Un père ne devrait regarder les prétendants qu'à travers les yeux de sa fille. Et une fille ne devrait prononcer des oui et des non que par la bouche de son père. Je supplie votre grâce de me pardonner. Je ne me retrouve plus moi-même. Je ne sais quel démon s'est abattu sur mes pensées les plus secrètes, les soulève comme autant de plumes gonflées, et force ma langue à parler malgré moi, malgré ma condition de jeune fille, malgré la présence de votre seigneurie. Et je vous conjure de m'apprendre quel sort me réserve la loi d'Athènes, puisque je refuse d'épouser Démétrios. C'est la mort ou le couvent. Ainsi, Hermia, avant de vous décider, fermez un instant les yeux et interrogez chaque battement de votre cœur et chacun de vos désirs, et toute la violence de votre jeunesse. Accepteront-ils ce voile blanc des religieuses que vous allez jeter sur eux? Vous contenterez-vous à jamais de pousser chaque nuit votre prière sous la lune? Déesse des filles sans garçon? Trois fois sainte la Vierge assez forte pour mener contre elle-même ce pèlerinage classé? Mais le bonheur terrestre est comme l'abeille de nos jardins. Il ne visite pas la rose sans parfum, celle qui s'ouvre, se ferme et meurt toute seule et sans lendemain. Et pourtant moi aussi je vais m'ouvrir, me fermer et mourir comme elle, plutôt que de subir le gouvernement d'un homme que repousse chaque goutte de mon sang. Attention, Hermia, prenez le temps de réfléchir. Je vous donne jusqu'au lever de la nouvelle lune, qui sera le premier signal des fêtes de mon mariage. Cette nuit-là, vous épouserez Démétrios, ou bien vous irez prononcer des vœux éternels sur l'autel de Diane. Allons, Hermia, allons. Lysandre, laissez-vous faire, puisque nous sommes tous d'accord ici, sauf vous. Mais puisque tu es tellement d'accord avec son père, épouse-le, n'en parlons plus. Oui, parce que tu te moques de moi parce que je suis têtu. Eh bien, c'est vrai, je suis têtu. Démétrios serait mon fils et mon gendre et mon héritier, Jésus. Monseigneur, je suis d'aussi bonne naissance que Démétrios, aussi riche que lui. Et, ce qui est au-dessus de ses petites vanités, je suis aimé d'Hermia. Lysandre. Mais enfin, cela devrait suffire à faire pencher la balance de mon côté. Mais ce n'est pas tout. Démétrios, tout ce printemps-ci, tu faisais ta cour à une autre, à Hélène, la fille de Néda. La pauvre petite, la tête lui en tourne encore, elle ne parle que de toi, alors Adot, elle en devient presque folle. Lysandre. Je dois avouer que je n'ignorais pas cette malheureuse histoire. Depuis longtemps, je voulais en parler à Démétrios. Venez, Démétrios, et vous aussi, Gé. Nous allons faire quelques pas ensemble. Oui. J'ai des instructions à vous donner à l'un comme à l'autre. Venez aussi, Hippolyte. Oui. Qu'avez-vous, mon amour? Pourquoi froncez-vous les sourcils? Allons, Démétrios, suivez-moi. Oui, Majesté. J'ai besoin de vous pour régler certains détails de nos cérémonies. Oh, vous accompagnez, mon seigneur, mais c'est pour nous un devoir, un plaisir, un ravissement. Hermia et Lysandre restent seuls. Et qu'y a-t-il, Hermia? Tout à l'heure, tu étais rose de colère et maintenant te voici pâle comme aux approches de l'orage. C'est que je ne veux pas pleurer et que les orages secs sont les plus terribles. Oh, voyons, Hermia. Toutes les histoires d'amour que nous avons lues ensemble commençaient mal. Tiens, rappelle-toi celle du garçon qui était, paraît-il, de trop basse origine. Oh, la pauvre fille. Celle de la femme qui avait passé l'âge d'aimer. Le pauvre garçon. Et maintenant, voici l'histoire des parents qui veulent imposer leur candidat. Les pauvres enfants. Oui, mais songe à ce que le destin aurait pu nous dépêcher d'encore plus menaçant. La guerre, la maladie, la mort, tout ce qui s'accroche soudain à des fiançailles trop parfaites et les rend éphémères comme un cri, comme une ombre, comme un de ces éclairs qui, dans la nuit profonde, dévisage la terre et le ciel, et que la gueule des ténèbres dévore d'un seul coup de mâchoire, avant même qu'on ait eu le temps de dire « Mais regardez !» Alors ? Alors, écoute-moi bien, Hermia. J'ai une tante qui m'adore, comme si j'étais son fils. C'est une veuve qui habite un vieux château à 7 lieues d'ici. À 7 lieues, tu entends ? Dont bien au-delà des ressorts des lois d'Athènes. Et si tu m'aimes, tu vas t'enfuir de chez toi au lever de la lune. Tu te rappelles le carrefour de la forêt où je t'ai croisé pour la première fois, oui, quand tu t'en allais avec Hélène célébrer le premier jour du mois de mai? Oui. Je t'attendrai là. Oh, mon amour. Je te le jure sur l'arc du dieu amour, sur toutes les flèches qu'il pointe déjà vers nous, sur les pigeons tremblants autour de la belle Vénus, sur la déesse qui brode nos deux destinées dans la même tapisserie, sur le feu qui brûla la reine de Carthage quand elle vit se gonfler et s'éloigner sur la mer les voiles de son amant par jure, sur tous les serments que les hommes ont brisés, sur tous les serments que les femmes ont tenus. À l'heure et au lieu que tu viens de choisir, tu me trouveras prête à te suivre aussi loin et aussi longtemps que tu voudras. À tout à l'heure, mon amour. Tiens, Hélène. Hélène? Où allez-vous, ma toute belle? Quoi? Comment? Elle m'appelle sa toute belle maintenant? Oh, retire ce mot-là. Dans cette ville, tu es la seule à être belle. Oui, je le crie avec désespoir. Tu es la seule à être belle puisque Démétrios t'aime. Et je hais tes yeux qui sont plus charmants que des étoiles. Et je hais ta voix qui est plus adorable que le premier cri de la louette sur un champ de blé vert. Je donnerais la moitié de ma vie pour que ta beauté devienne à l'instant même contagieuse comme la lèpre ou la peste noire. Alors, m'approchant de toi, me remplissant de l'air que tu respires, j'attraperai tour à tour ta voix, ton regard et chacun de tes traits. Et soudain transfiguré par toi, je repartirai en courant vers Démétrios et je te l'arracherai grâce à ton propre sourire. Fais attention, Hélène. Moi, je ne lui souris jamais. Il me fait plutôt bâiller. Oh, Hermia. Mais si, et plus je baille, plus il m'accable de serments. Je te livre peut-être la clé de son cœur. Essaie un peu. Mais c'est affreux. Moi, j'oserais jamais bâiller devant lui. Comment tu prends-tu ? On se lave bien tout seul. Plus je vois qu'il m'aime, plus je sens qu'il m'ennuie. Moi, plus je vois que je l'ennuie, plus je sens que je l'aime. Suis-je bête ? Rends-moi cette justice. Pas un de mes gestes, pas une de mes paroles n'est responsable de sa folie. Oui, sa folie n'a besoin de rien que de ta présence. Voilà justement ce qui est terrible. Eh bien, rassure-toi, Hélène. À partir de cette nuit, Démétrios ne me verra plus. Adieu, Athènes. Adieu, paradis de ma jeunesse. Mais oui, Hélène, tout à l'heure, quand la lune mouillée sur chaque brin d'herbe se balancera, Hermia et moi, chacun de son côté, nous aurons franchi les remparts de la ville. Dis, te rappelles-tu, Hélène, le petit coin un peu sauvage que nous avions découvert toutes les deux un soir à la sortie de l'étude ? Ah, souhaite-nous bonne chance. C'est là que nous avons rendez-vous, Lisandre et moi. À tout à l'heure, Lisandre. À tout à l'heure, Hermia. Adieu, Hélène. Et bonne chance à toi aussi. Et voilà. Pour vivre heureux, soyez fous ensemble. Malheur à ceux qui sont fous séparément. Malheur à Démétrios qui est fou d'Hermia. Malheur à moi qui suis folle de Démétrios. On a bien raison de nous dire que l'amour a des ailes dans le dos et un bandeau sur les yeux. On ne sait jamais ni pourquoi il est là, ni comment il n'y est plus. Mais aussitôt qu'une bonne bêtise se prépare dans l'air, l'amour nous applique ses ailes et son bandeau, et le temps de nous regarder partir, la bêtise est faite. Démétrios, avant de rencontrer Hermia, c'est moi que tu aimais, c'est moi que tu poursuivais. Et c'était une pluie de serments, une grêle de promesses. Démétrios, comme tout cela est loin. Comme tout est devenu sec autour de moi. Démétrios, je vais aller te trouver. Je te préviendrai de la fuite d'Hermia. Tu sauras où la rejoindre cette nuit, et demain tu me diras forcément merci. Et si tu me dis merci avec un peu d'émotion, tu commenceras peut-être à m'aimer. On ne sait jamais. Bottom, le coin, snook, flûte, snoot. Et Starveling. Et maintenant, ils sont tous là. Messieurs, la troupe est au complet. Mais non, monsieur le coin, vous avez ma liste des acteurs. Faites l'appel par ordre alphabétique. Vous croyez ? Bon. Mais d'abord, messieurs, gloire à tous les noms inscrits sur ce registre. Ce sont vos noms, messieurs. Le nom des citoyens d'Athènes qui joueront devant le duc pour la soirée de ses noces. Non, vous feriez mieux de leur lire tout de suite le titre de la pièce. Ensuite, vous lirez le nom des acteurs. Allons. Messieurs, ma pièce s'appelle « La très lamentable comédie ». Et la très cruelle mort de Pyramide du Tisbé. Oui, parfaitement. Et il m'a raconté tout ce qui se passe dedans. Alors, eh bien, monsieur le Scouin, qu'est-ce que vous attendez pour faire l'appel des acteurs ? Nom, prénom, profession, messieurs. Allez, alignez-vous, allons ! Mais ne me laissez pas le temps de parler. Je commence. Nick Bottom, 10 ans. Présent. Annoncez-leur maintenant le rôle que je dois jouer. Vous jouez Pyramide. Parfaitement, je joue Pyram, le tyran. Il n'y a aucun tyran dans ma pièce, mais Pyram est un amoureux qui se tue par amour. Parfait, mais je vous préviens, si je me mets à pleurer, je ferai sangloter toute l'assistance. Je déchaînerai des ouragans. Allons, le point, continuez. Entre nous, vous avez tort de me faire jouer un amoureux. Je suis fait pour jouer les tyrans, moi. Tenez un exemple. Je ne me suis trouvé au théâtre qu'une seule fois dans ma vie. Il y avait un acteur qui jouait Hercule. Je le vois encore de là devant moi, là, tenez. Que l'on recule, c'est moi Hercule, et Hercule est fou, enfermez-vous ! Oui, et bien pendant 3 mois, tous les clients qui entraient dans ma boutique ont fait comme vous. Oui, et c'est bien la preuve qu'il me prenait pour Hercule lui-même. Allons, le coin, dépêchons-nous, au suivant. Mais avouez que vous avez tort, qu'il faudrait jouer, ce n'est pas Pyramide Tisbé, c'est Hercule et Tisbé. Allez, au suivant. Excusez-vous, François Flûte, accommodeur de soufflet. Où êtes-vous, Flûte ? Je suis là. Vous jouez Tisbé. Tisbé, qui c'est ? Tisbé, c'est un chevalier errant ? Mais non, Tisbé, C'est la jeune demoiselle que le roi Pyram honore de son amour. Oh, alors ne me faites pas jouer, mais j'ai de la barbe qui me vient. Ne compliquez pas les choses, mon ami. Oui, vous tâcherez de prendre une voix de femme et personne ne remarquera votre barbe. Ah, pardon. Dans ces conditions, je demande à jouer Tisbé. Oh. Si, je prendrai une voix de pucelle, voilà tout. Tenez, Tisbé, je t'adore. Pyram, je t'adore aussi. Qu'est-ce que tu en dis, ma Tisbé, chérie? Non. Hein, alors? Non et non. On jouera comme c'est écrit. Vous ferez Pyram et flûte fera Tisbé. Voilà. Bon, alors je ne dis plus rien. Starveling, tailleur d'habits. Présent. Bon, Starveling, vous serez la mère de Tisbé. Bon. Snoot, chaudronnier. Présent. Vous serez le père de Pyram. Ah. Moi, le père de Tisbé. Vous, Snug, oui. Le menuisier. Oui. Vous serez le lion. Le lion. Ah. Et voilà, j'espère, ce qu'on appelle une bonne distribution. Monsieur Lecoin, est-ce que vous avez déjà la brochure pour le rôle du lion? Ah non. C'est que je n'ai pas beaucoup de mémoire. Mais je vous donne le droit d'improviser. Je ne saurai jamais. C'est pas difficile, vous l'avez qu'à rugir. Ah, pardon. Bon. Si le lion n'a qu'à rugir, pourquoi ne pas me laisser le faire le lion? Je rugirai tellement fort que le duc se dressera sur son trône et criera « Sauf qui peut !» Et toutes les dames de la cour s'évanouiront. Le lendemain, nos mères auront chacune un fils pendu. Ah non, allons, messieurs, vous m'avez pas laissé finir. Aussitôt après, je retiendrai mon souffle et je rugirai d'une voix si fluette que le duc se rassiera en disant « Mais je me suis trompé, ce n'est qu'un petit oiseau. » Et pour finir, je saluerai les sociétés en rugissant comme un rossignol. Votre homme, je comprends vos hésitations. Évidemment, Pyram est un personnage gracieux, souriant comme un jour d'été, mais... Bon, je jouerai Pyram. Mais pardon, avec quelle barbe voyez-vous Pyram? Vous la choisirez vous-même. Là, êtes-vous content? Dans ce cas, je vous promets une surprise. Potom, j'aime mieux que vous jouiez sans barbe. Bon. Messieurs, voici vos rôles. Je vous demande de commencer tout de suite à les apprendre. Et la première répétition aura lieu ce soir dans la forêt. Dans la forêt. Si nous répétons en ville, vous savez bien ce qu'est le résultat. Le jour de la fête, la moitié du public hurlera nos répliques avant nous. Donc, je dis bien dans la forêt. Mais oui, messieurs, là au moins, nous pourrons nous lancer dans cette tragédie sans risquer de réveiller toute la ville. Pyram, où vas-tu? Tisbé, où te caches-tu? Ça va. Départ au lever de la lune. Bon, inutile d'attendre, j'y vais déjà, moi. Une minute, potom. Et rendez-vous au lieu dit du chêne de Monseigneur. Tisbé, tu as donc un cœur de chêne. Oui, Monseigneur. Dans les environs d'Athènes. Féerie. M'a désigné cette nuit pour la distribution des grains de rosée. Un brin d'herbe, un grain de rosée. Voici, voilà. Pas moyen de se tromper. Je vais commencer. Je commence, j'ai fini. Hi-hi. Et toi, as-tu fini de faire le bouffon? Je te préviens que la reine Titania et sa suite seront ici dans un instant. Et moi, je t'annonce que le roi Oberon a choisi cet endroit pour y donner sa fête de nuit. Et je ne conseille pas à la reine Titania de se présenter devant lui. Oberon est entré dans une terrible colère depuis qu'elle a son nouveau page. Cet enfant volé l'autre soir à un roi indien. De tous les enfants volés que vous cachez dans vos bagages, c'est bien le plus joli. Aussi, Oberon, dès qu'il l'a vu, a décidé de le changer en jeune cavalier et d'en faire le compagnon de ses randonnées dans la forêt. Mais Titania est tout le temps à s'occuper de l'enfant. Et je te fais sauter sur mes genoux, et je te pose des fleurs sur la tête, et je te dis des petits mots d'amour. Bref, elle a répondu non. Et maintenant, entre eux, c'est la guerre. Tiens, la nuit dernière encore, ils se sont trouvés brusquement nez à nez sous un chêne. Eh bien, leur rencontre a produit un tel vacarme que tous les esprits follets qui voltigeaient aux alentours ont à peine eu le temps de s'abriter dans le feuillage, chacun sur un gland, et d'y rester quoi ? Plus je vous considère, plus j'ai l'impression que c'est vous. Cet esprit malicieux est toujours en mouvement qu'on nomme Puck. Puck le voyageur, celui qui verse de l'eau dans les tonneaux du marchand de vin et du sable dans la farine du boulanger, oh. Celui qui jette son ombre sur les routes où passent les filles du village. Il faut bien s'amuser la nuit. Et c'est vous aussi le vieux paysan qui se dresse devant les voyageurs pour leur indiquer une route qui n'est jamais la bonne. Oh. Ne le nie pas, Puck, je reconnais ta voix. Sauve-toi, fée, voici Oberon. Trop tard, voici Titania. Fâcheuse rencontre au clair de lune, n'est-ce pas, ma fière Titania? Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Venez. Que personne ne bouge. Titania, tu oublies que je suis ton seigneur. Pas possible. Et ton mari? Un mari qui change de visage devant toute femme qu'il rencontre, merci, c'est trop pour moi. Oh. Tenez, l'autre soir encore, je surprends un berger jouant du flûtio dans l'herbe près d'une petite paysanne. Qui donc était ce berger-là? Fâcheuse rencontre au clair de lune, n'est-ce pas, Oberon? Oh. Et votre voyage aux Indes? Et votre retour soudain à l'annonce des noces prochaines de Thésée avec vos amours d'autrefois? Cette Amazone qui se prend pour quelque chose parce qu'elle s'habille comme un général en chef. Avouez que vous n'êtes venu par ici que pour jeter dans leur lit le bonheur et sans doute la fécondité. Comment oses-tu me reprocher, Hippolyte, toi qui es amoureuse de Thésée? Moi? Le soir où il s'est laissé enlever par la belle Périgénie, qui donc s'est soudain substituée à sa ravisseuse, qui donc a continué d'entraîner Thésée à travers la nuit étincelante et lui a fait rompre tour à tour ses engagements avec Aiglé, avec Ariane, avec Antiope. Tu ne réponds plus maintenant. Pauvres inventions de jaloux. En vain, depuis le début de l'été, nous changeons toutes les nuits notre lieu de rendez-vous. Forêt, fontaine, cailloux d'un ruisseau, vagues de mer, sifflets du vent. Nulle part, je n'ai le temps d'éclater de rire, que vous ne soyez déjà devant moi bourdonnant et furieux. Et maintenant, notre querelle nous dépasse. Elle déborde de tous côtés dans la nature. Le vent est allé au large chercher le brouillard. Le brouillard est venu gonfler une rivière, puis une autre. Et voici que le blé vert, qui sentait poindre sa barbe, se trouve pourri avant l'âge. Plus un mouton dans la prairie. Le corbeau est là. Plus un gamin sur le carré où l'on jouait à la marelle. Rien que de l'eau, de la boue, des carcasses de bêtes, des rhumatismes et des cannes de tout. Les quatre saisons se regardent et ne se reconnaissent plus. En plein été, il neige sur une rose. Un bouquet de pâquerettes s'amuse à fleurir sur le crâne chauve de l'hiver. Le printemps et l'automne se trompent de manteaux et tirent de leur poche des produits surprenants. Et les hommes font cercle autour de ces choses sans comprendre rien de ce qu'ils voient. Et ils n'entendent même pas notre discussion, qui est la cause de tout. Mais alors, puisqu'il serait si facile de tout remettre en ordre, pourquoi Titania s'obstine-t-elle à contrarier Oberon? Je ne demande rien, car j'appelle rien, en somme, un petit enfant volé. Ah, cet enfant-là. Le monde entier ne suffirait pas à m'en payer le prix. Oh. Et sa mère croyait aux fées. Aussi que de bons moments avons-nous passé à nous raconter des fables, allongées l'une à côté de l'autre, sous la nuit indienne où flottait une odeur de pain d'épices. Et toutes les deux sur la plage, que de navires marchands nous avons regardé partir vers l'horizon. Qu'il était amusant de voir peu à peu leur voile devenir enceinte et prendre un gros ventre sous les caresses du vent. Et elle, malgré son ventre qui contenait déjà mon petit page, avec quelle légèreté elle imitait le balancement d'un navire. Elle faisait semblant de voguer au large et revenait en riant me rapporter des bagatelles. Mais elle était mortelle. et elle est morte de cet enfant. C'est pour l'amour d'elle que je l'élève et que je refuse de m'en séparer. Combien de temps avez-vous l'intention de rester dans ce bois? Jusqu'au mariage de Thésée. Mmh. Nous danserons à tous les clairs de lune. Si le cœur vous en dit, oubliez tout et venez. Sinon, je vous fais défense de me tourmenter par vos apparitions. Ah, cours, danse, Titania, amuse-toi. Tu ne sortiras de ce bois que châtié comme tu le mérites. Viens ici, Puck. Oui. Tu te rappelles cette nuit où nous sommes montés au haut d'un promontoire? Je me rappelle. Et ce dauphin que nous avons vu nager tout près du rivage et qui portait une sirène? Je me rappelle. Une sirène qui chantait une chanson si harmonieuse que toutes les vagues la suivaient sans faire de bruit, de la plus grande à la plus petite, et que plusieurs étoiles, soudain réveillées, tombèrent du ciel. Je me rappelle. Aussitôt la sirène disparut, j'ai assisté à un deuxième spectacle. Ah! Mais celui-là, mes yeux seuls pouvaient le voir. Cupidon volait doucement, son arc à la main, entre la terre et la lune. Il aperçut et mit en joue avec fureur une jeune religieuse qui faisait sa ronde sous le mur du couvent. Sa flèche, enflammée, se perdit dans l'herbe et s'éteignit. Sans doute, la religieuse n'en sut jamais rien. Mais moi, je notais le point où la flèche avait coché le sol. Puck, va donc me cueillir cette fleur que les filles nomment pensée d'amour. Si tu en fais jaillir la sève sur les paupières d'une personne endormie, homme ou femme, c'est l'amour que tu verses en elle. Tu la verras tomber amoureuse dès son réveil et de la première créature vivante qui lui apparaîtra. Ah. Va, rapporte-moi cette fleur et sois plus rapide qu'un vautour. Oh, je peux passer une ceinture autour de la terre en 40 minutes. Tout à l'heure, Titania... Quand tu seras endormi, prends garde à ton réveil. La première créature vivante sur laquelle tes yeux s'ouvriront, tu la poursuivras aussitôt avec toute la rage de l'amour. Et tant mieux si c'est un lion ou un ours bien sale ou un taureau stupide ou un singe ou même une guenon. On vient, je suis invisible et vais écouter ce qu'on dit. Entre Démétrios suivi d'Hélène. Je ne t'aime pas, donc ne me poursuis plus, va-t'en. Élisandre et Hermia, où sont-ils? Déjà partis ou pas encore arrivés? Toi, je ne veux plus te voir courir près de moi comme un épagnol. Tu m'as tout raconté, c'est fini, va-t'en. Je ne peux pas, mon cœur ne m'obéit plus. Il est comme une aiguille aimantée qui tremble une nuit toujours dans la même direction. Perdez la force de m'attirer, je trouverai bien moi la force de ne plus vous suivre. Comme si je l'avais entraîné de force. Ne t'ai-je pas répété mille fois que je ne t'aime pas, que je ne t'aimerai jamais? Mais chaque fois que vous me le dites, moi je vous aime un petit peu plus. C'est vrai, je suis votre épagneul. Démétrios, plus vous me battrez, plus je vous caresserai. Oh. Mais au moins ne me traitez pas plus mal qu'un épagneul. Repoussez-moi, frappez-moi, mais permettez-moi de vous suivre. Car enfin, il pourrait y avoir dans un coin de votre cœur un peu de place pour un chien. Eh bien, cette place, je la rêve pour moi. Je me fais mendiante pour la gagner. Ne m'oblige pas à trop te mépriser. Car je souffre déjà quand je te regarde. Moi aussi, je souffre quand je vous regarde. Si j'étais une jeune fille, il me viendrait tout de même une certaine inquiétude à me sentir à la merci d'un homme qui n'a peut-être aucune raison de me ménager. Je me confie à vous. Un pucelage n'est pas lourd sur les balances d'une nuit d'été. Quand je vous regarde, il ne fait plus nuit. Les endroits solitaires parlent peu, mais ils donnent de mauvais conseils. Cet endroit n'est pas solitaire. Quand vous me regardez, le monde entier me regarde. Puisque je n'arrive plus à t'arracher de moi, je vais me cacher dans les fougères et te laisser aux bêtes féroces. Oh, le plus féroce vaut mieux que vous. Si vous continuez à me fuir, il faudra désormais réciter à l'envers toutes les fables qu'on nous a apprises. Il faudra dire que c'est le pigeon qui se jette sur le vautour, et la biche sur le tigre, et Daphné sur Apollon. Mais lâche-moi. Ne m'approche plus, ou je t'apprendrai comment un homme peut punir une vierge. Démétrios, tu insultes toutes les jeunes filles si tu en insultes une seule, car en amour, nous sommes toutes semblables, faites pour qu'on nous courtise et non pour courtiser. Mais moi, je veux te suivre et faire un ciel de mon enfer en mourant de la main que j'aime tant. Mmh. vieux neuf. Reprends espoir. Avant qu'il soit ressorti de la forêt, cet homme cherchera ton amour. Et c'est toi qui le fuiras. Eh bien, Puck, voilà. Partageons. Cette nuit, il y a eu travail pour deux. Toi, tu découvriras dans le voisinage une jeune Athénienne amoureuse d'un jeune Athénien. Ah. Tu les reconnaîtras tous deux à leur costume. Mouille les yeux du jeune homme et arrange-toi pour que la jeune fille soit le premier objet qu'il aperçoive. On s'arrangera, monseigneur. Quant à moi, je vais pousser jusqu'à ces alliés où il y a du thym sauvage, des petites violettes au cœur battant et de grands chèvrefeuilles accoudés sous les étoiles. Et je trouverai l'endroit où Titania s'allonge entre deux danses et s'endort, tandis que les couleuvres changent de peau et laissent flotter aux branches leurs robes de bal. Et retrouve-moi, Puck, au premier chant du coq! Titania est endormie. Des fées chantent, jouent, s'appellent. Venez, venez vite, chacun à son tour, la chauve-souris, la puce, la vipère, le lézard et le hérisson. Venez, venez vite, chacun à son tour, elle dort. Et vous l'araignée, ne vous cachez pas derrière vos grandes pattes, venez, venez vite, elle dort. Monsieur Rossignol, répondez-moi vite, loula, loula. Elle dort. Répondez-moi vite. Merci. Paraît Oberon. Il presse une fleur sur les paupières de Titania. Titania, à ton réveil, le premier être vivant qui passera devant tes yeux, tu le suivras en pleurant, et tu deviendras sa créature. Entre Lysandre et Hermia. Mon cher amour, tu n'en peux plus de fatigue. Et pour te dire la vérité, je ne reconnais plus le chemin, Hermia. Si tu le veux bien, nous nous reposerons ici et nous attendrons le lever du jour. Comme tu voudras, Lysandre. J'ai déjà trouvé mon lit, regarde. Mmh. Et maintenant, tu n'as plus qu'à chercher le tien. Oh, le mien, le tien, pourquoi? Un seul cœur, un seul lit. Oh, oui et non. Si tu m'aimes, prouve-le-moi en te couchant un tout petit peu plus loin. Oh, mon amour, n'oublie pas que toutes les paroles entre nous, ce sont des paroles d'amour, et que les paroles d'amour sont toujours innocentes. Ne me refuse pas la moitié de ton lit, car même lorsque je m'allongerai, ma loyauté restera debout et se promènera entre nous deux. N'obligez pas votre loyauté à se dépenser tellement. Et pour commencer, nous ne serrez point ma taille d'aussi près. Croyez-moi, Lysandre, il faut vous éloigner de moi. Vous trouverez un lit plus loin, j'en suis sûre. Bonsoir. Écoute, Lysandre, je vais faire une prière avant de m'endormir. Puisses-tu m'aimer jusqu'au dernier jour, autant que nous nous aimons cette nuit. Amen. Là, j'ai trouvé de quoi me coucher. Et si un jour je ne t'aime plus, puisse mon âme s'éteindre ce jour-là. Hermia, je te souhaite une bonne nuit. Lysandre, je te renvoie la moitié de ton souhait. Que le sommeil descende sur toi, Hermia. Et qu'il te ferme les yeux, Lysandre. Entre Puck. Pas d'Athénien. Je n'entends que la respiration de la nuit. Une respiration curieuse, d'ailleurs. Tantôt la nuit respire comme un homme, tantôt la nuit respire comme une femme. Imbécile que je suis, c'est mon Athénien et mon Athénienne. Ainsi, mademoiselle est amoureuse de monsieur et monsieur ne l'aime pas? Pauvre petite. Naturellement. Et mademoiselle cherchait à se glisser près de monsieur qui n'a pas voulu d'elle. Pauvre petite. Rustre, mal appris, bourreau. Voilà pour toi. Puck y goûte sur les yeux de Lysandre le suc de la fleur. Quand tu t'éveilleras, que l'amour t'emporte. Bonsoir. Démétrios et Hélène arrivent en courant. Démétrios, tuez-moi si vous voulez. Oui, tuez-moi, mais ne me laissez pas toute seule. Ah, ne me prends plus, lâche-moi. Je vais mourir de peur toute seule dans l'obscurité. Je t'ai dit, lâche-moi. Démétrios. Lâche-moi. Malheur à toi. Oh, crier, courir, crier. Me voici hors d'haleine. Je supplie, moi, on m'écoute. Tandis qu'Hermia, pour être heureuse, n'a besoin que de respirer. Et c'est naturel avec les yeux qu'elle a. Mais d'où vient qu'elle a de si beaux yeux depuis quelque temps? Évidemment, elle ne pleure jamais. Tandis que moi, je suis toujours dans les larmes. Depuis que Démétrios me chasse de lui, je me sens en gauche, lourde et vilaine comme une ours. Les bêtes sauvages elles-mêmes se sauvent avec effroi en m'apercevant. Pourtant, Hermia et moi, il nous arrivait bien autrefois de nous pencher toutes les deux sur la même glace et de comparer ses yeux aux miens. Mais qui est allongé là? Endormi ou mort? Je vois pas de sang, pas de blessure. Lysandre, si vous êtes vivant, mon cher Seigneur, éveillez-vous. Lysandre s'éveille et subit aussitôt l'effet de la magie. Et s'il le faut, je passerai à travers les flammes pour l'amour de vous. Hélène la lumineuse, Hélène la transparente, oui, transparente. Et j'entrevois jusqu'à votre cœur qui bat d'amour dans votre poitrine. Mais où est Démétrios? Ha! Il peut être fier de son nom, car c'est le nom d'un homme que j'égorgerai cette nuit. Taisez-vous, Lysandre, taisez-vous. Hélène. Que vous importe à vous si Démétrios est amoureux d'Hermia? Oh. Oui, que vous importe, puisque Hermia n'aime que vous seul et que vous êtes heureux. Elle... Moi? Heureux avec Hermia? Oui. Mais je regrette chacune des minutes que j'ai perdues à côté d'elle. Non, quoi? Celle que j'aime, ce n'est plus Hermia. C'est vous, Hélène. Mais quel est l'homme, dites-moi, qui n'échangerait pas un corbeau contre un pigeon? Enfin, je parle de l'homme qui mérite vraiment d'être appelé un homme, enfin. De l'homme dont la volonté n'obéit qu'à la seule voix de la raison. Et voici que ma raison se lève et prend la parole. Je l'entends qui me dit, c'est Hélène que tu dois aimer. Chaque fruit attend son heure, et ma raison attendait la sienne. Car tout dans la nature se développe avec logique. Et maintenant que je me sens soudain transporté au sommet de la sagesse humaine, maintenant le bon sens devient le général en chef de mes sentiments. Il dirige ses armées vers vos yeux ravissants où je lis déjà la première page de la plus belle des histoires d'amour. Oh, à mon malheur, il manquait plus que ça. Un homme qui se réveille tout exprès pour se moquer de moi. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de me traiter si mal? Hélène. Mais vous m'avez peut-être entendu supplier Démétrios. Mais oui, c'est vrai. Je l'ai supplié, harcelé, pourchassé. Mais vous ne comprenez donc pas que j'ai suffisamment souffert de ces refus et que mon chagrin n'a plus besoin de vos insultes, jeune homme. Hélène. Après les cruautés de l'autre, les railleries de celui-ci, quelle misère. Et moi qui vous croyais un cœur généreux, un cœur d'amis. Non, je ne vous reverrai plus jamais. Adieu. Et toi, Hermia, pendant ce temps, tu dors. Eh bien, tâche de dormir, et le plus longtemps possible. Toute la vie, si tu le peux. Car ce n'est pas moi qui te réveillerai. L'homme qui change de religion a horreur des dieux qu'il vient de quitter. L'homme qui a une indigestion a horreur du plat qu'il vient de manger. Et c'est ainsi que j'ai horreur de toi. Et maintenant que je viens de rompre avec Hermia, je vais chercher Hélène. Puissance de l'amour et de la jeunesse, faites-moi retrouver celle que j'ai. Hermia se dresse soudain, épouvantée. Au secours! Au secours, Lysandre! Au secours! Non, tu vois pas ce serpent qui rampe sur ma poitrine? Au secours, Lysandre! Mais non. Oh, miséricorde, je suis en train de rêver. Lysandre, tu vois comme je tremble, comme j'ai peur. Figure-toi que je sors d'un rêve atroce. Un serpent me dévorait le cœur. Et toi, dans mon rêve, tu étais assis à côté de moi. Tu regardais, même tu souriais. Et c'était affreux. Lysandre! Lysandre! Quoi, tu n'es plus ici? Oh, Lysandre, où es-tu? Non, mais réponds-moi! Mais tu m'as laissée toute seule! Oh, j'ai peur, tu vois bien que j'ai peur, Lysandre. Alors c'est vrai, tu es parti. Lysandre, reviens si tu ne veux pas me trouver mort. Entre. Bottom. Le coin. Snock, flûte, snoot. Et Starveling. Une minute, la troupe est au complet. Mais oui, Bottom. Messieurs, nous sommes arrivés. Voici la scène. Voici les coulisses. Le duc est assis. Là, tenez. Voilà. Le public fait cercle autour de lui. Et maintenant, on commence. Pardon, j'ai un mot à dire. Bottom. Si, j'ai un mot à dire. Eh ben, dites-le, mon vieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que dans cette tragédie de Pyramide 10B, tout ne me plaît pas. Non, voilà, il ne me plaît pas que Pyram tire son épée pour se tuer. Je suis sûr qu'à ce moment-là, toutes les dames pousseront des cris. Qu'est-ce que vous trouvez à répondre ? Ça, c'est vrai tout de même qu'elles vont avoir une peur affreuse. Pyram pourrait peut-être se tuer autrement. Pyram pourrait peut-être ne pas se tuer du tout. Pyram pourrait peut-être s'en aller avant la fin de la pièce. Erreur. Moi, je reste jusqu'à la fin de la pièce. Je tire mon épée et je me tue. Et pourtant, aucune dame ne poussera un cri. Vous voulez savoir comment je m'y prends ? Ben voilà, je commence la pièce par un prologue. Et dans ce prologue, je m'adresse aux dames. Tenez là, comme je vous parle maintenant. Et je leur raconte la vérité. Et quand elles sauront que moi, Pyram, je ne suis pas Pyram, mais Bottom le tisserand, elles n'auront plus peur de rien. Laissez-moi faire. Je veux bien vous écrire un petit prologue. Ben pourquoi petit, un prologue tout simplement? Mais je l'écrirai en vers de 6 pieds. Allons, mettez 2 pieds de plus et n'en parlons plus. Et le lion, le lion, est-ce que les dames n'auront pas peur du lion? C'est vrai, mais nous avons oublié le lion. C'est moi. Dieu nous aide, un lion, c'est-à-dire le prince des animaux féroces. Non, mes amis, non. Regardons-y à deux fois avant d'amener un lion devant les dames. Et un lion qui rugit encore. Dieu, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé, le lion ne rugira pas. Le lion s'avancera vers les dames et leur dira, mesdames, ou mes belles dames, ou mes jolies dames. Si vous venez à croire que je suis un lion véritable, ma vie serait fort en danger. Aussi, ne crions pas, ne pleurons pas, soyons bien sages. Je suis Snug, le menuisier. Si vous y tenez, ça n'est rien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le clair de lune. Comment nous y prendrons-nous pour amener le clair de lune dans la chambre de Pyramide de Thisbé? Mais d'abord, sera-t-il clair de lune cette nuit-là? Vite un almanach. Allez, cherchez le clair de lune, allez. Oui, cette nuit-là, il fera clair de lune. Alors, nous n'aurons qu'à laisser ouverte une des lucarnes de la grande salle. La lune n'aura plus qu'à briller. Voilà. Ou encore, l'un de nous pourrait arriver avec un fagot et une lanterne. Tout le monde sait qu'il y a un homme dans la lune et qu'il porte un fagot. Oui, c'est vrai. Quand la nuit est bien claire, on le distingue fort bien. Mais le plus difficile n'est pas le clair de lune, c'est le mur. N'oublions pas que Pyramide Thisbé se parle par un trou dans le mur. Oui, mais nous ne pourrons jamais introduire un mur dans la salle. Bottom, qu'en dis-tu ? Rien. Puisque n'importe qui peut remplacer un mur. On se couvre les mains et la figure de plâtre, et pour faire les trous, on tient les doigts écartés, tenez comme ceci. Mais pourquoi les doigts écartés? Mais on te dit que Pyramide Thisbé se parle par un trou dans le mur. Si vous voulez. Et maintenant, mes chérubins, asseyons-nous et tâchons de répéter la pièce. Oui, c'est ça. Allons-y. Scène première, Pyram seul. Bon. Voilà. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit. Chacun récite son rôle, tourné vers le duc, et se retire aussitôt après dans les coulisses. Scène première, Pyram seul. Pyram, c'est à vous de commencer. Allô, Pyram ? Pyram ! Entre Puck invisible. Une pièce de théâtre ? J'arrive, me voici. Mais à quel titre ? Spectateur, ma foi oui. Acteur, peut-être. Auteur, on verra bien. Pyram, c'est à vous de parler. Thisbé, regardez Pyram. Oui. Non, pas comme ça, voyons, comme ça. La timidité, bon Dieu, de la timidité. Tisbé, toutes les fleurs entrouvrent leur gilet. Leur collet, voyons, leur collet. Tisbé, toutes les fleurs entrouvrent leur collet. Et ton souffle odorant descend de son palais. Mais chut, on a parlé. C'est un homme sans doute. Adieu, je disparais au détour de la route. Voilà le plus singulier pyrame que j'ai jamais entendu sur Terre. Et maintenant, est-ce mon tour? Mais bien sûr que c'est votre tour. Bon. Vous l'avez déjà expliqué. Oui. Donc, pyrame revient dès qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a personne sur la route. Oui. C'est pourtant facile à comprendre. Pyrame, reste encore et me prends dans tes bras. Le poil de ton menton est plus frais qu'un ruisseau. Je voudrais y nager comme un petit oiseau. Que vois-je, il n'est plus là, Pyrame, où donc es-tu? Le voici justement qui revient à ta grand pas. Retrouvons-nous demain au tombeau de Nini. Au tombeau de Ninus. Et puis vous mélangez toutes vos répliques. Hein? Que vous dites n'a plus aucun sens. Hein? Après que voile, il n'est plus là. Oui. Pyrame, où donc es-tu? Mais il faut vous arrêter et tourner la tête. Hein? Et vous, Pyrame, revenez en scène. Mais n'avons donc pas attendu Tisbé qui disait le voici justement qui revient à grands pas. Enfin, reprenons. Le voici justement qui revient à grands pas. Entre Puck et Bottom. Mais maintenant, Bottom a une tête d'âne. Ce n'était que Zéphyr. Ne nous alarmons pas. Et moi, je vous donnerai la chasse. Je vous ferai galoper à travers les alliés, les marécages, les buissons et les ronces. Je serai le cheval, le chien, le cochon, l'ours et la flamme. Pauvres idiots qui veulent me faire peur. Bottom, comme te voilà changé. Mais qu'est-ce que je vois? Ce que tu vois, je vais te le dire. Une tête d'âne, la tienne. Adieu, Bottom. Et Dieu te protège. Je pourrais tout de même pas me prendre pour un âne. Messieurs, nous savons ce que c'est qu'une farce. Mais vous aurez beau faire, je ne bougerai pas d'ici. Tenez, je me promène de long en large et je chante comme un homme qui n'a pas peur, qui n'a jamais peur de rien. Le merle tout noir, car vraiment de quoi aurais-je peur, je vous le demande. Le merle tout noir avec son bec jaune, la grive à la note si juste, le roi te l'est avec sa petite plume. Titania se réveille et aperçoit la tête d'âne de Bottom. Où est-il, l'ange qui me réveille au milieu des fleurs? Passant le moineau, l'alouette, le coucou gris et son plein chant. Et je l'écoute sans jamais lui répondre non. Car entre nous, qui aurait le courage d'entreprendre une conversation sérieuse avec une bête aussi stupide et de répondre oui ou non à un oiseau qui consacre son existence à crier « Coucou, coucou, coucou ». Oh, je t'en supplie, oh charmant mortel, chante encore. Écoutez... Mes oreilles sont amoureuses de toutes les notes de ta voix. Mes yeux sont amoureux de ton visage, car tu es beau et ta beauté dégage une force qui me jette à tes pieds et m'oblige sous ton premier regard à te crier que je t'aime. Madame, vous n'êtes pas raisonnable. D'ailleurs, c'est bien connu, la raison et l'amour ne se promènent guère de compagnie, surtout par le temps qui court. Et c'est grand dommage que d'honnêtes voisins n'essaient pas de les réconcilier. Ah, vous voyez qu'on s'est badiné avec les dames à l'occasion. Ah, tu es aussi intelligent que tu es beau. N'exagérons rien. Si j'arrive à sortir de cette forêt d'une manière ou d'une autre, je me trouverai bien assez intelligent pour cette nuit. Pourtant, tu devras demeurer dans ce bois, mon amour, que tu t'y prêtes ou que tu résistes. Hein? Apprends-le. L'été lui-même, là où je m'arrête, reste immobile. Ah. Et je t'aime. Et je te donnerai pour te servir tous les esprits qui flottent autour de moi, du plus pesant au plus léger. Oh. Et les perles rouleront jusqu'à tes mains, oh, du fond de l'océan. Et les chansons tomberont dans tes oreilles par toutes les bouches de la nature. Oh. Ainsi, je te chasserai peu à peu de ton corps, tu prendras la transparence de l'air, et toi-même, tu seras devenu mon esprit familier. Fleur des pois, toile d'araignée, papillon, grain de moutarde. Soyez aimable envers ce gentilhomme. Faites qu'il rie, qu'il s'étonne, qu'il ait plaisir à respirer sur la terre. Nourrissez-le d'abricots, de groseilles, de figues vertes et de mûres. Que l'abeille vous jette sa gouttelette de cire et le ver luisant son étincelle et qu'on agite ses milliers de torches autour du souper de mes amours. Et pour commencer, saluez-le. C'est un mortel, mais vous lui devez vos courtoisies. Salut, mortel. Salut, salut, salut. Je rends mille grâces à vos seigneuries. Votre seigneurie voudrait-elle me dire son nom ? Toile d'araignée. Je vous demande votre amitié, monsieur Toile d'araignée. Si je me coupe le doigt, je prendrai avec vous certaines libertés. Votre nom, monsieur ? Fleur des pois. Présentez mes respects, je vous prie, à madame votre mère la fève et à monsieur votre père le pois chiche. Cher monsieur Fleur des pois, j'ai l'impression que nous sommes appelés à faire plus ample connaissance. Et vous, monsieur ? Grain de moutarde. Cher monsieur Grain de Moutarde, je connais toute l'histoire de vos malheurs et comment un géant nommé Rosbif a dévoré bien des gentilshommes de votre maison. Vous appartenez à une famille qui m'a bien souvent arraché des larmes, cher monsieur Grain de Moutarde. Allez, faites-lui escorte. Conduisez-le jusqu'à mon berceau. La lune, je crois, nous observe, les yeux humides. Et quand elle pleure, toutes les fleurs, et les plus petites pleurent aussi, et se lamentent sur quelque virginité perdue. Enchaînez la langue de mon bien-aimé et conduisez-le en silence. Comme une volée de corneilles sous les détonations d'un mousquet. À la vue de leur frayeur, les plantes elles-mêmes ont reçu la permission de les attaquer. Onces, branches, épines, tout s'accrochait à leurs vêtements et faisait voler tour à tour une manche d'habit, un pantalon-chemise ou la coiffe d'un chapeau. Quant à Pyram, la tête que je lui ai posée sur les épaules s'est mise à braire à tous les échos. Et voilà notre Titania amoureuse d'un âne. Le hasard et toi, vous avez assez bien fait les choses. Mais ce n'est pas tout. Et l'Athénien Julien dont je t'avais parlé, l'as-tu trouvé ? Dormant à côté de la demoiselle. Et pour lui, tout est prêt. Qu'il s'éveille, qu'il ouvre les yeux sur elle, et l'amour commence. D'ailleurs, il est éveillé, il arrive, le voici. C'est bien la même fille, mais ce n'est pas le même garçon. Entre Démétrios et Hermia. Pourquoi fuyez-vous ? Pourquoi repoussez-vous celui qui vous aime tant ? Prends garde que tout à l'heure, je ne te poursuive comme leur mort. Gardez vos reproches pour un autre. Pour un autre ? Pour quel autre ? Pour celui que tu as peut-être tué. Ah, Démétrios, si tu as le sang de Lysandre sur les mains, n'hésite plus. Couvre-toi de sang tout entier. Achève-moi. Lysandre et moi, nous étions l'un à l'autre plus fidèles que le feu et la lumière. Est-ce lui qui aurait jamais abandonné son Hermia endormie ? Autant me raconter que la lune s'apprête à lever son sabre pour couper la terre en deux. Non, tout me dit que tu viens de l'assassiner. Mais oui, ce regard que tu as, ce visage blafard et stupide, cette démarche de fantôme, tu es un assassin. Non, Hermia. S'il y a un homme assassiné ici, c'est moi. Car je suis malheureux. Hermia, et vous qui êtes mon malheur, mon supplice, ma mort, vous êtes là. Et vous me regardez avec ces yeux plus étincelants que l'étoile qu'on appelle Vénus. Mais quel rapport avec mon Lysandre ? Où est Lysandre ? Où est-il ? Oh, Démétrios, mon bon Démétrios, rends-le-moi, veux-tu ? J'aimerais mieux jeter sa carcasse à mes chiens. Le chien, toi-même ? Va-t'en. C'est donc vrai, tu l'as tué. Oh non, non, pour une fois, dis-moi la vérité, parle ! Mais parle donc ! Ne serait-ce que par amour pour moi. Tu l'as surpris pendant son sommeil, n'est-ce pas ? Autrement, tu n'aurais jamais osé l'attaquer. Pour approcher de son ennemi, Démétrios ne sait prendre que le chemin des reptiles. Démétrios ne se bat pas. Il tue et il se sauve. Je vous répète que je ne suis coupable de rien, que je ne sais rien. Alors jurez-moi qu'il est vivant. Et si je vous le jure, que me donnerez-vous en échange ? Une promesse. Celle de ne plus jamais vous revoir. Et là-dessus, adieu. Que faire ? La suivre ? Peine perdue. Mieux vaut attendre. Attendre quoi ? Ah, le chagrin est un marchand d'insomnie. L'insomnie est un marchand de chagrin. Et le sommeil est un banquier qui me doit beaucoup d'argent. Peut-être va-t-il me donner un petit à-compte si j'attends ses offres. Au lieu d'un couple mal assorti, nous en aurons deux. La race des hommes, seigneur Oberon, n'en est plus à deux mauvais ménages près. Je vais essayer de réparer ta maladresse. Toi, pars, retrouve l'autre jeune fille d'Athènes et incline doucement sa promenade jusqu'à cet homme endormi. C'est dit ! Mon esprit prend la forme d'une flèche et j'obéis. Oberon verse le suc de la fleur sur Démétrios. On s'endort en aimant Hermia. On se réveille en ne l'aimant plus. Et la première fille qui passe se met à briller soudain comme l'étoile qu'on appelle Vénus. Monseigneur, Hélène est à deux pas d'ici. Mais son nouvel amoureux, et c'est bien ma faute s'il est amoureux d'elle, court sur ses talons dans un grand vacarme de serments d'amour. Querelle de fou, charmante musique pour une nuit d'été. Tant mieux, leurs cris vont éveiller Démétrios. Démétrios, Lysandre, deux garçons à la fois, joli début pour une demoiselle. Je m'installe au premier rang. Entre Lysandre et Hélène. Pourquoi vous êtes-il à dire que je me moque de vous ? Mais si je me moquais de vous, pourrais-je pleurer en même temps ? Regardez-moi, Hélène, j'ai les yeux pleins de larmes. Qu'importe ce que je vous dis, n'écoutez que mes larmes. Elles vous jurent que je vous aime. Mais votre comédie n'en est que plus atroce. Mais... les mêmes paroles que je vous ai entendues à Hermia, vous me les jetez à la tête par dérision. Hélène. Et vous reprenez jusqu'aux accents de la vérité pour me bafouer un peu plus. Mais vos serments d'hier soir font contrepoids à ceux de cette nuit. Le tout me paraît aussi léger que le vent. Mais ne parlons plus jamais d'Hermia. Le bon sens m'est revenu en vous voyant. Curieux Hélène. Bon sens qui revient avec tous les grelots de votre folie pour Hermia. Oh, toujours, Hermia. Mais qu'importe, Hermia. Il lui reste Démétrios qui l'aime et qui ne vous aime pas. Démétrios se réveille et voit Hélène. Oh. Hélène. Hélène. Ma déesse, ma nymphe, mon amour. Je te regarde et voici l'univers qui se met à sourire sous mes yeux comme du cristal. Tes lèvres m'appellent comme les premières cerises de l'année. Ta main se soulève comme un peu de neige sous le vent d'est. Oh, Hélène, disent à mes lèvres qu'elles peuvent se poser sur cette main, sur la petite princesse des neiges qui est devenue cette main-là. Dis-le, mon amour. Oh, oh, mon extase. Non, non, ma béatitude. Non, c'est à devenir enragé ou folle. Les voilà qui se donnent le mot tous les deux. Quand l'un finit, c'est l'autre qui commence. Rivaux pour l'amour d'Hermia, les voici également rivaux pour se moquer d'Hélène. Mais elle... Oui, tous les deux, oh, mais, Hélène, mais puisque je le sais, puisque je l'accepte, n'est-ce pas suffisant? Faut-il encore que je vous serve de jouet ou de bouffon? Si vous étiez réellement ce que vous paraissez être, des hommes, vous n'auriez pas le cœur de poursuivre mon malheur, ma qualité. Admirable exploit, vraiment, héroïque entreprise que d'arracher des larmes à une fille déjà désespérée. Mais oui, tu es trop cruel, Démétrios. Celle que tu aimes, c'est Hermia, nous le savons tous. Oh, je vais te parler, et en pleine connaissance de cause, en toute loyauté. Je t'abandonne, oui, je t'abandonne de grand cœur tous mes droits sur Hermia. En échange, je te demande les tiens sur Hélène. Et cela, quoi? Devant Hélène qui m'écoute. Oh, et que j'aimerais jusqu'à la mort. Jamais deux compères n'ont poussé le jeu aussi loin. Oh, ton Hermia, tu peux la garder. Moi, je n'en veux plus. Mais si je l'ai aimée, c'est fini. Mon cœur n'a séjourné chez elle que le temps que l'on passe dans une auberge. Oh. Le voilà revenu à son foyer, chez Hélène, et il n'en bougera plus. Hélène, ne l'écoute pas, il ment. Tais-toi. Mais tu calomnies ce que tu ne connais pas et tu pourrais bien t'en repentir. Tiens, la voici, ton Hermia. La voici, ta bien-aimée. Bon voyage, Lysandre. Que la nuit est donc malicieuse. Elle vous met un bandeau sur les yeux et vous envoie comme guide tous les bruits de la forêt. En plein jour, je ne t'aurais peut-être pas entendu, Lysandre. Et c'est l'obscurité qui m'a permis de courir jusqu'à toi. Méchant, pourquoi m'as-tu laissée toute seule? Mais pourquoi serait-il resté celui qui a vu passer l'amour? Mais je ne bougeais pas. Celui qui a vu passer Hélène. Quoi? Hélène, la charmante, Hélène, qui glisse dans la nuit comme un rayon doré, et toutes les étoiles en clignent des yeux, et les globes du ciel en deviennent pâles. Oh. Mais comment oses-tu venir me chercher ici? Mais, ne comprends-tu pas que si je t'ai quitté, c'est d'abord parce que je te hais. Vous ne pensez pas ce que vous dites, c'est impossible. Mais... Horreur, elle est du complot, elle aussi. Elle a tout préparé, décidé, machiné avec eux. Et la cour pour m'achever sous leurs yeux. Mais non, Hélène. C'est toi, Hermia, qui change de camp et te met du côté des garçons. Mais... C'est toi qui viens prolonger le jeu qui fait de moi leur souffre-douleur. Oh, Hermia, qu'as-tu fait de nos confidences? Les tiennes, les miennes, de nos promenades, de nos promesses sous les murs de l'école. Tout ça, toute notre amitié rapide et impatiente, tu l'as donc oublié? Et pourtant, Hermia, que de fois, pareil à deux déesses brodeuses, nous avons du bout de nos aiguilles crié ensemble un arbre, une fleur. Rappelle-toi, nous étions assis sur le même coussin, penchés sur le même métier, fredonnant la même chanson, comme si nos mains, nos corps, nos voix, nos âmes eussent été confondues. Une boucle de cerise au bord d'une branche, voilà ce que nous étions. Deux fruits mais une seule attache, deux chairs mais un seul cœur. Comme des filles jumelles qui ont droit, lorsqu'elles sont les premières nées, au même écusson, au même cimier, sous la même devise, deux à la première. Et voilà ce que tu déchires en ce moment. Toi, une amie. Toi, une fille. Hélène, toi qui te ligues avec les garçons pour mieux les amuser de ma honte. Mais cette insulte, tu crois peut-être qu'elle ne s'adresse qu'à moi seule? Détends-toi. Notre sexe tout entier, Larsan. Tu aurais le droit de te la reprocher un jour. Je ne comprends pas le premier mot de toute cette colère. Oh. Et d'abord, de quelle insulte parles-tu? Si l'une de nous deux se trouve insultée par l'autre, il me semble que c'est moi. Comment? Et qui a lancé sur moi Lysandre et ses compliments ridicules? Et ton autre amoureux, Démétrios, lui qui tout à l'heure me repoussait presque du bout du pied. Qui donc lui a soufflé l'idée de m'appeler sa nymphe, sa déesse, son extase? Que sais-je encore? Comme si j'avais oublié qu'il me déteste. Et Lysandre, qui est tout amour pour toi, comment ose-t-il me crier qu'il ne t'aime plus? Comment l'oserait-il sans ta permission? Mais non, oui, bien sûr, je suis pétée ni heureuse et j'aime. C'est la pire des misères. Un homme qui ne m'aime pas. Mais que t'importe à toi? Tu devrais me plaindre et non me poursuivre ou m'accabler. Ah, je ne comprends plus rien à ce qu'elle dit. Va, continue. Et vous aussi, prenez tous des petits airs tristes. Oh, mais dès que j'aurai le dos tourné, étouffez bien vos rires que je ne les entende pas. Mais oui, faites-vous des signes entre vous. La plaisanterie est bonne, continuez-la. Et demain, vous pourrez la claironner par toute la ville. Tant pis pour moi, ce qui m'arrive est en partie de ma faute. Mais la fuite ou la mort me serviront d'excuse. Adieu. Non, Hélène, ne me quittez pas, je vous demande pardon, mon amour, mon bonheur, mon âme. De mieux en mieux. Oh, Lysandre, je te supplie de ne plus te moquer d'elle. Mais les prières ne suffisent pas, nous pourrons essayer la force. Oui, quoi? Tes menaces n'y changeront rien, pas plus que les prières d'Hermia. Hélène, je vous aime, je vous le jure sur ma mort, et je le prouverai au premier qui osera déclarer que je ne vous aime pas. Et moi, je déclare que le seul qui t'aime de nous deux, c'est moi. Eh bien, si tu maintiens ce que tu dis, viens, parfaitement, et tout de suite. Mais Lysandre, que se passe-t-il de vrai maintenant? Lâche-moi, bohémienne. Mais oui, mon petit monsieur, ayez l'air de vous fâcher un peu contre elle. Vous faites semblant de vouloir venir, et surtout ne venez pas. Une femme qui vous retient, quelle bonne excuse. Surtout quand on est bien obéissant, bien apprivoisé, n'est-ce pas? Mais as-tu fini, Hermia, de t'accrocher comme une chatte? Mais lâche-moi donc, répugnante créature. Je vais te secouer de moi comme une couleur. Mais pourquoi êtes-vous si grossier? Je ne vous reconnais plus, mon amour. Moi, ton amour? Arrière ma médecine, oh, arrière ma potion, arrière mon dégoût. Allez, va-t'en. Oh, bah, dis-moi, Lisandre, c'est une plaisanterie. Elle lui demande si c'est une plaisanterie. Démétrios, je t'ai donné ma parole. Avec un débiteur de ton espèce, j'aimerais mieux tenir que courir. Ah, bah, alors, il faudrait que je la frappe, que je la blesse, que je la tue. Mais oui, je la hais, mais je ne peux tout de même pas lui faire de mal. Mais quel mal plus grand pourrais-tu me faire? Toi, moi, mon amour, ne suis-je donc plus Hermia? N'es-tu plus Lisandre? Ai-je brusquement pris un autre visage? Enfin, cette nuit, tout à l'heure, tu m'aimais encore. Et voilà que tu veux me quitter, que tu m'as déjà quitté. Les dieux me protègent. Oh. Moi, quitté par toi. Ah non, non, Lisandre, non, ce n'est pas vrai. Non. Si, si, si, il ne me reste plus qu'un désir, ne plus te revoir jamais. Alors, ainsi, plus de questions, plus d'espoir, plus de faux fuyants. Tu voulais une certitude, la voici, je te hais et je l'aime. Oh, oh, misère de moi. Oh, sorcière, va, vermine, voleuse d'amour. Alors, Hermia, c'est donc toi qui es venue cette nuit et qui m'a volé le cœur de mon amant prodigieux. Mais tu as donc égaré jusqu'au souvenir de ta pudeur. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Me faire perdre la tête? M'arracher des vilains actes dont j'aurai honte plus tard? Va-t'en, pantin! Va-t'en, marionnette! Allons, marionnette! Et pourquoi dit-elle marionnette? Hermia. Mais bien sûr, tout s'explique maintenant. Cette grande perche a dû faire ressortir sa taille et la comparer avec la mienne. Oh, belle victoire, hein, que de monter plus haut dans le cœur d'un homme, simplement parce qu'on est la plus grande. Mais suis-je donc si petite? Réponds donc, ma cocagne! Suis-je donc si naine? Pas tellement que mes ongles ne puissent te graver au sol! Je veux bien vous servir de jouet, mais empêchez-la de m'arracher les yeux. Je ne sais ni insulter ni griffer. Je ne connais pas de fille plus peureuse que moi. Empêchez-la donc de me battre. Vous croyez peut-être que je pourrais me défendre parce qu'elle est plus petite? Plus petite? Non, vous l'entendez? Plus petite! Ne devenez pas cruelle, je vous ai toujours aimée. Vos secrets, je les ai toujours gardés. Je ne vous ai jamais fait aucun tort, excepté hier soir, quand j'ai raconté à Démétrios, mais c'était par amour pour lui. Que vous vous étiez sauvé dans les bois avec Lisandre. Il vous a suivi, je l'ai suivi, mais il m'a renvoyé. Il m'a menacé de me battre, de me piétiner, de me tuer. Oh. Maintenant, si vous le permettez, je vais m'en aller bien sagement. Oui, je vais retourner à Athènes et je ne gênerai plus personne. Laissez-moi partir, Hermia. Vous voyez comme je suis docile, comme je suis bête. Eh bien, pars. Qu'est-ce qui te retient ici? Mon cœur, ma folie. Oui, Lisandre. Démétrios. Elle ne craint rien, Hélène chérie, elle ne te fera aucun mal. Aucun, même si tu prenais son parti. Oh, c'est que la colère la rend terriblement rusée. À l'école, elle manœuvrait déjà comme un petit renard. Croyez-moi, elle peut devenir dangereuse, bien qu'elle paraisse toute petite. Toute petite, mais elle n'a donc plus que ce mot-là dans la bouche. Et vous, allez-vous lui permettre de me couvrir d'injures? Ah, lâchez-moi que je la parle. Cachez-vous, naine, puceronne, éplucheur de légumes. Ne cherchez donc pas à faire l'aimable. Vous voyez bien qu'on ne s'intéresse pas à vous. Vous n'avez qu'à vous taire et à ne prendre le parti de personne. Sinon, vous auriez trop de choses à me payer d'un seul coup. Oui, et bien maintenant qu'on ne me retient plus, suivez-moi. Et voyons lequel de nous deux a le plus de droit sur Hélène. Moi, vous suis. Oui, monsieur. Jamais. Nous allons sortir de front, monsieur. Ma tête à côté de votre hue. Toute cette querelle est votre ouvrage. Oh, n'essayez pas de vous éloigner, madame. Ah non, madame, je n'ai pas assez de confiance en vous pour rester ici, car nous vous connaissons, madame. Quand il s'agit de se battre, vous avez la main plus preste, mais quand il s'agit de courir, c'est moi qui ai les jambes plus longues. Oh, je suis trop ahurie pour me taire ou pour parler. Oberon et Puck. Et voilà le résultat de ton étourderie. Ou de tes malices. Avec toi, on ne sait jamais. Prince des nuits, je n'ai fait que vous obéir. Non. Je devais reconnaître un garçon à son costume d'Athènes. Me suis-je trompé de costume? Quant au garçon, s'il y a erreur, je ne le regrette qu'à moitié. J'adore les combats de coq. Pourtant, nous empêcherons celui-ci. Regarde-les là-bas qui cherchent un emplacement pour se battre. Allons, lève-toi. Dépêche-toi, travaille. Hey. Je veux autant de nuages que d'étoiles. Et une nuit aussi épaisse que le fleuve des morts. Et ne lâche pas nos gaillards. Pique-les, talonne-les, pousse-les, attends rien à travers, qu'ils se déchaînent l'un contre l'autre sans parvenir à se rencontrer. Prends toi-même la voix de Démétrios et la voix de Lisandre. Et fais-moi sauter ces deux pantins dos à dos jusqu'à la seconde où le sommeil refermera sur eux ses ailes de chauve-souris. Parfait. Alors, tu te pencheras sur Lisandre et tu lui essuieras les paupières avec cette plante qui tue l'illusion. Bon. Et lorsque les deux jeunes gens se réveilleront, il ne leur restera rien des aventures de cette nuit. Peut-être diront-ils, j'ai rêvé. Et gaiement, ils reprendront la route d'Athènes, amis jusqu'à la mort. Nous avons juste le temps. Il se fait dans le ciel un grand remue-ménage d'animaux. Le premier feu du matin vient se poser sur l'horizon. Les morts poursuivent avec angoisse le visage noir de la nuit. Et les voici qui filent par troupes, chacun vers son gîte. Oui, mais nous sommes esprits d'une autre nature. Souvent le matin, j'achève ma tournée à travers bois comme un garde forestier qui attend le plein soleil. Mais tu as raison, il vaut mieux terminer cette affaire avant le jour. Par monde et par monde, il y a des échos et des feux follets, et les amoureux n'auront point de repos. Entre Lysandre qui provoque Démétrios, mais ils sont tous deux les jouets des méprises de Puck. Eh bien, Démétrios, on faisait le fier tout à l'heure, on n'a donc plus rien à dire, on se cache, on est de ce côté-ci, canaille. Allons, on garde. Et toi-même, où es-tu? Me voici, j'arrive. Eh bien, suis-moi sur un terrain où tu vois plus clair. Et répondons, Lysandre, ou bien te voilà déjà en fuite. Dans quel buisson caches-tu ta tremblotte, poltron? Poltron, toi-même. As-tu fini de menacer les étoiles au lieu de te battre? Tu réclames un duel? On te le donne et tu ne viens pas? Et approche-nous, bébé! On te fouette comme tu le mérites! Tu ne me diras pas deux fois, Lysandre! Où es-tu? M'entends parler! Approche-toi, tu le sauras! Il m'insulte, il me défie, et quand j'arrive, il n'est plus là! Oh, décidément, son pied est trop léger pour le mien, je ne sais plus où je suis. Oh, reposons-nous! Viens vite, point du jour, que ta lumière grise me découvre Démétrios et que je le tue! Voilà! Voilà, voilà, voilà! Eh bien quoi, mon petit tremblant, tu n'avances plus? Attends-moi au lieu de courir sans jamais t'arrêter ni me regarder en face! Où es-tu? Ici, voyons! Ah, tu te moques de moi, Lysandre, mais ça te coûtera cher si jamais je te revois. Tu peux continuer à galoper. Tu as de la chance que je tombe de fatigue. On se retrouvera au petit matin. Entre Hélène. Oh, nuit, fais-toi toute petite. Et toi, aurore, douce aurore, approche-toi sur la pointe des pieds que je puisse retrouver Athènes sous ta clarté naissante, loin des méchants. Et toi, sommeil, qui sais si bien fermer les yeux du chagrin, retire-moi de moi-même et emporte-moi loin d'ici. Trois qui dorment, ce n'est pas assez. Deux et deux font quatre. Et voici la plus désespérée. Quand l'amour s'amuse, les femmes sont folles. Je n'ai jamais été si fatiguée, si accablée, si trempée par la rosée, si déchirée par les ronces. Je ne peux plus me traîner. Mon désir marque toujours le pas, mais voilà. Mes jambes n'avancent plus. Tant pis, attendons le matin. S'ils veulent se battre, que le ciel sauve Lysandre. Dormez sur la terre. Voici que l'amour finit et que l'amour recommence. Puck exprime le suc de la fleur sur les paupières de Lysandre. Quand tu t'éveilleras, Lysandre, c'est Hermia que tu verras. À chacun sa chacune, à Jeannot sa Jeannette, au cavalier sa jument, et que le monde se remette à tourner. Sur ce lit de fleurs, que je caresse tes joues charmantes, que je coiffe de rose ta tête si douce, et que je baisse tes belles, tes longues oreilles, mon bien-aimé. Où est Fleur des Pois? Voici. Grattez-moi la tête, Fleur des Pois. Voilà. Merci. Oui, monsieur Toile d'Araignée. Me voici. Monsieur Toile d'Araignée. Monseigneur. Bon, monsieur Toile d'Araignée. Allez donc me tuer un bourdon à cuisse rouge, là-bas, sur la pointe de ce chardon. Oui. Et apportez-moi son sac de miel. Tout de suite. Mais tâchez de ne pas vous écorcher le doigt. Et surtout de ne pas renverser sur vous le contenu du sac de miel. Oui, monsieur Grain de Moutarde. À vos ordres. Que dois-je faire? Rien, mon bon monsieur Grain de Moutarde. Ou plutôt si, vous allez vous joindre à monsieur Toile d'Araignée pour me gratter. Bien, monseigneur. Ah, faudra tout de même que je passe chez le barbier. J'ai l'impression d'avoir le visage prodigieusement poilu. Et je suis un âne tellement sensible, vous savez, pour peu qu'un poil me démange, il faut me gratter toute la tête. Vous plairait-il d'entendre un peu de musique, mon doux amour? J'ai l'oreille assez musicienne. Avec une paire de pincettes et un trousseau de clés, je vous organise tout un concert. Et que désires-tu manger? Ben, moi, un bon petit picotin d'avoine. Mais de l'avoine bien sèche, naturellement, de celle qui vous craque sous la dent et vous donne de l'appétit. Et là-dessus, du foin. Oui, une bonne grosse boîte de foie bien frais et qui sente bon. Je ne connais rien qui accroche de ça, moi. Oui. J'ai une suivante qui s'est furtée dans les branches et grimpée jusqu'au grenier de l'écureuil. Elle te rapportera des noix vertes. Oh, j'aimerais mieux une poignée de pois secs. Oh, ben, je vous en prie, que personne de votre monde ne vienne plus me déranger. Je sens que si je me laisse aller, je vais avoir envie de dormir. Oh, dors, mon doux amour, et je vais t'enfermer dans mes bras. Eh bien, vous autres, à l'ouvrage, et allez-vous-en. C'est ainsi que le chèvrefeuille enlace le chèvrefeuille et que le lierre passe doucement son anneau au doigt de l'arbre qu'il a choisi. Titania et Bottom s'endorment. Oberon s'avance, suivi de... Toi aussi, tu viens contempler ce couple ravissant, Puck. Je commence à prendre en pitié sa folie. Tout à l'heure, je me suis encore trouvé en face d'elle, de l'autre côté du bois. Elle cueillait des roses pour ce monstre stupide. Je me suis longuement moqué d'elle, qui m'a supplié de me taire. Et je n'ai eu pour finir qu'à lui parler du petit page hindou. Elle me l'a tout de suite abandonné. Déjà, une de ses suivantes l'a déposé dans mes états. Et maintenant que j'ai obtenu ce que je voulais, je vais délivrer ses yeux de leurs erreurs. Et toi, Puck, mon gentil Puck, enlève son mufle d'âne à ce nigo. Bien, monseigneur. Quand il s'éveillera, je veux qu'il s'en retourne vers Athènes, comme les autres, ne conservant de cette nuit aucune trace que le souvenir d'un cauchemar. Mais d'abord, Titania. Oberon frotte les paupières de Titania avec une herbe. Sois comme tu avais coutume d'être. Vois comme tu avais coutume de voir. Après la fleur d'amour, voici la fleur de Diane qui la remplace et la dépasse. Allons, Titania, éveillez-vous, ma reine. Mon Oberon, quel rêve j'ai fait! Il m'a semblé que j'étais amoureuse d'un âne. Le voici! Quel horreur! Silence! Puck, que cette tête s'en aille! Titania, faites tomber de la musique dans son sommeil pour l'épaissir davantage. Bottom? Quand tu t'éveilleras, tu n'ouvriras que les yeux d'un imbécile. Tes yeux de chaque matin. Venez, ma reine, mettez votre main dans la mienne et berçons d'un pas qui s'éloigne cette terre où ils sont couchés. Prince, attention. Écoutez, j'entends l'alouette. Allons, ma reine, et en silence, suivons la nuit. Nous allons faire le tour du monde sous la lune qui s'en va. Allons, monseigneur. Mais pendant notre voyage, vous me direz comment, cette nuit, j'ai pu me trouver endormie avec ces mortels sur la terre. entre Thésée, Hippolyte, Égée et leur suite. Que l'un de vous aille me chercher le garde-chasse de cette forêt. Bien, majesté. Car maintenant que nous avons célébré les rites du mois de mai, il nous reste encore toute une matinée à remplir. Je veux que ma bien-aimée entende le vacarme de mes chiens. Lâchez-les dans la vallée qui est à l'ouest. Et hâtez-vous de prévenir le garde. Bien, majesté. Pendant ce temps, ma reine, nous monterons au sommet de la colline pour y écouter le concert lointain de la meute et de l'écho. Je me trouvais en Crète avec Hercule et Cadmos un jour qu'ils chassaient l'ours dans un bois. Jamais je n'entendis fracas plus effrayant. La cime des arbres, les ruisseaux et même le ciel, tout semblait pousser le même cri. C'était merveilleux et désordonné, comme le tonnerre. Et ce sont également des chiens de Sparte que j'ai là, des chiens roux, pas sur pattes, avec des oreilles pendantes, qui balaient la rosée du matin. Et leurs aboiements s'attaquent et se répondent comme les carillons. Vous allez les entendre. Mais regardez, quels sont ces nymphes. Monseigneur, mais c'est ma fille. Ma fille qui dort ici. Et voici Démétrios et voici Hélène. Oh, je suis plutôt surpris de les retrouver ensemble. Sans doute, ils se sont levés comme nous de bon matin pour célébrer les rites du mois de mai. Mais dites-moi, Égée, n'est-ce pas aujourd'hui qu'Hermia doit nous donner sa réponse? Oui, monseigneur. Alors donnez ordre à mes piqueurs de les réveiller au son du cor. Lysandre, Démétrios, Hermia et Hélène se réveillent et se lèvent. Bonjour, mes amis. Mais la Saint-Valentin est pourtant passée. Comment se fait-il que dans ce bois, les oiseaux ne commencent à s'accoupler que d'aujourd'hui? Pardon, monseigneur. Relevez-vous, je vous prie. Je sais que vous deux, vous êtes rivaux et ennemis. Par quel miracle dormiez-vous l'un près de l'autre, sans jalousie ni inquiétude? Oh, monseigneur, c'est un homme ahuri qui vous répond. Ahuri est encore à moitié couché dans son sommeil. Parce que je vous jure que je ne saurais vous dire pourquoi je me trouve ici. Pourtant, il me semble... Oh, car je voudrais retrouver l'exacte vérité. Oui, oui, maintenant je me rappelle. Je suis venu par ici avec Hermia et notre projet était de nous enfuir pour échapper aux lois d'Athènes. Ah, assez, assez, assez. Ah, monseigneur, vous en avez assez entendu. Je réclame l'application des lois. Oh, d'accord, comment? Mais il voulait, tu comprends, Démétrios, nous voler tous les deux, à toi ta femme et à moi mon autorité. Monseigneur, je ne sais par quelle puissance inconnue mon amour pour Hermia a fondu comme neige. Il s'en est allé rejoindre les jouets de notre enfance. Et maintenant, celle que j'aime, ma joie, ma force, les battements de mon cœur, c'est Hélène. D'ailleurs, n'étais-je pas fiancé à Hélène avant d'avoir connu Hermia? J'ai l'impression d'une de ces longues maladies pendant lesquelles on déteste les bonnes choses. Mais aujourd'hui, c'est la guérison. Et me voici soudain dans mon appétit retrouvé. Hélène, c'est toi que je désire. Démétrios. Heureux amant, heureuse rencontre. Égée, j'annule vos décisions. Ces deux couples seront mariés tout à l'heure et en même temps que nous. Et comme la matinée s'avance, nous remettons notre chasse en route pour Athènes. Trois amoureux, trois amoureuses, nous aurons une belle fête. Venez. Oui. Dans ma tête, cette aventure se perd déjà comme le profil d'une montagne sur les nuages. Moi, il me semble que mes regards divergent et que je vois double. Et moi aussi. Démétrios me fait l'effet d'un petit bijou trouvé par terre. Il est à moi et il n'est pas encore à moi. Ah, êtes-vous certain que nous sommes réveillés? Moi, j'ai le sentiment que nous rêvons encore. Est-il vrai, par exemple, que le duc se trouvait là devant nous? Oui. Et il y avait aussi mon père. Et Hippolyte. Il s'agissait de nos mariages. De nos mariages. Oui. Alors, plus de doute, nous sommes réveillés. Suivons-les donc, et chemin faisant, nous nous raconterons nos rêves. Venez, les... Quand vous en serez à ma réplique, appelez-moi et j'arriverai. Ma prochaine réplique, c'est Pyram, mon beau Pyram. Oula. Oula. Hé, le coin. Flûte. Hé, raccommodeur de soufflet. Snoot. Hé, chaudronnier, Starling. Mort de ma vie. Ils ont tous filé pendant que je dormais. Oh, mais il m'est venu un rêve. Un rêve de... un rêve sur... Oh non, non, non. Il n'y a pas assez de choses dans la tête d'un homme pour raconter ce rêve-là. Et celui qui voudrait me l'expliquer ne serait qu'un âne. Il me semble que j'étais... Oh non, non, personne au monde ne le saura jamais. Et même pas moi. Il me semble que j'avais... Il faudrait porter des grelots et une tête de fou pour essayer de dire ce qu'il me semble que j'ai rêvé que j'avais. Tant que les hommes n'auront que leurs yeux pour voir et leurs oreilles pour entendre et leurs mains pour toucher et leur tête pour comprendre, il n'y aura guère moyen d'espérer une explication de tout ce que j'ai vu cette nuit. Ah oui, mais je demanderai tout de même à Lecoin de me composer une chanson là-dessus. Cette chanson, je l'appellerai le songe de Bottom, ou plutôt le songe d'un serrurier, car personne n'en trouvera la clé. Et je la chanterai à la fin de la pièce. Et après la mort de mon personnage, je la chanterai une deuxième fois, si elle me plaît. Passé chez Bottom. Est-il rentré chez lui? On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et sans lui, adieu la pièce, n'est-ce pas, monsieur Lecoin? Bien sûr, puisque personne de vous n'est capable de jouer Pyram. C'est que Bottom est peut-être le moins bête de nous tous. Et puis, il a au moins l'aspect du personnage. La majesté d'un roi et la voix d'un oiseau. C'est dans la pièce. Non, mais je l'ajouterai. Messieurs, le duc revient du temple. Il y a derrière lui deux ou trois couples de nouveaux mariés. Si nous pouvions donner notre divertissement, notre fortune serait faite. Bottom, grand et imprudent Bottom. Tous les jours de ta vie, tu te lèveras le matin avec 6 deniers de moins dans ta poche, car le duc t'aurait bien donné une pension de 6 deniers par jour, où je demande à être pendu. Où vous cachez-vous, mes agneaux? Mes petits agneaux? Bottom, toi, la belle journée, la fortune qui sonne à l'horloge. Messieurs, vous avez devant vous un homme qui peut, s'il le veut, vous rapporter une aventure merveilleuse. Ah oui, mais ne me demandez rien. Car si je parle, vous crierez partout que je suis le plus menteur des Athéniens. Non. Ben, je vous raconterai tout. Exactement comment ça s'est passé. Bottom, nous t'écoutons. Non. Tout ce que je vous dirai, c'est que le duc a dîné, qu'il vous passe vos costumes, vos barbes, vos rubans, vos escarpins, et qu'on vous attend sur l'air au palais. En un mot, notre comédie est acceptée, que chacun repasse vite son rôle. Que Tisbé ait une chemise propre. Que celui qui fait le lion prenne garde de ne pas se rogner les ongles. Un lion doit avoir les ongles longs. Que surtout, personne ne mange ni ail ni oignon. Le public des tragédies en verre n'aime pas ces odeurs-là. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez? En route, maestro. Devant le palais de Thésée. Ce que racontent ces amoureux ne vous paraît-il pas étrange, Thésée? Plus étrange que vrai, cher Hippolyte. Les amoureux et les fous ont la tête pleine de fumée et de fantômes qui passent. Le fou, l'amoureuse et le poète, voilà trois compères sur les routes de l'imagination. L'un distingue soudain plus de démons que l'enfer n'en pourrait contenir, c'est le fou. L'amoureux tombe au pied d'une bohémienne et lui jure qu'elle est la plus belle des Grecs. Et le poète, échauffé par son délire, parcourt du regard tantôt le ciel, tantôt la terre. Et à mesure qu'il tire du néant des choses inconnues, sa plume leur donne aussitôt un corps, un gîte et un état civil. Tels sont les pouvoirs hasards et les caprices de ces gens-là. Quand ils ont envie d'une bonne nouvelle, ils entendent déjà le messager qui l'apporte. Mais si par hasard la peur les gagne et qu'il fait nuit, comme ils prennent facilement un buisson pour un ours. Oui, mais les aventures de cette nuit, ces passions qui s'éteignaient, se rallumaient sans jamais se fixer sur personne, ils nous en ont fait le récit avec trop de conviction. Ce n'est pas sur ce ton, croyez-moi, qu'on raconte ses rêves. D'ailleurs, ce que chacun dit d'eux confirme ce que disent les autres, et le tout a l'air de contenir plus de vérité que de merveilleux. Voici nos amoureux. Que leur rire vous tienne longtemps compagnie et le bonheur et la fraîcheur du printemps. À vous aussi, monseigneur. Allons, quelle mascarade aurons-nous pour tuer ce long siècle de 3 heures qui nous sépare de notre lit? Où se cache notre commissaire au fait? Que nous a-t-il préparé? Philostrate! Philostrate! Faites venir Philostrate! Me voici, seigneur! Me voici! Eh bien, quoi de prévu pour ce soir? Comédie, danse, musique? Voici la liste des divertissements. Votre Altesse n'a qu'à décider. Le combat des centaures chanté sur la harpe par un eunuque athénien. Oh non, merci. Ni centaure, ni harpe, ni eunuque. D'ailleurs, ce combat est pour moi une histoire de famille. J'aime mieux autre chose. Les bacchantes ivres déchirant le poète Orphée. Non plus, c'est une trop vieille comédie. Les 9 muses pleurant la mort de la sagesse décédée récemment dans la plus extrême indigence. Oh, c'est évidemment une pièce plus récente et qui doit avoir la dent dure. Nous la garderons pour un autre soir. La trop courte et trop interminable entrevue du jeune Pyrame et de la belle Thisbé, farce tragique. Autant dire de la neige enflammée. Et comment est-elle, cette farce courte, interminable et tragique? C'est en effet la plus courte de toutes celles qu'on m'a présentées. Et pourtant, c'est la plus longue, car elle n'offre ni un mot juste, ni un acteur qui ressemble à son rôle. Elle est tragique. Pyrame se tue. J'ajoute que cette mort m'a fait venir les larmes aux yeux. J'en ris encore. Et c'est joué par qui? Par des artisans d'Athènes, de braves gens qui doivent manier plus souvent le marteau que la tirade. Mais ils se sont mis en tête de vous offrir cette pièce à toute force pour le jour de vos noces. Et c'est eux que nous entendrons. Je vous assure, monseigneur, leur comédie n'est pas digne de vous. Je l'ai entendue d'un bout à l'autre, et dire qu'elle ne vaut rien, c'est encore trop. À moins que vous ne trouviez plaisir à observer leur maladresse et la peine ridicule qu'ils vont se donner pour vous être agréable. Je veux entendre cette comédie, car rien ne peut être ridicule de ce qui nous est offert par gentillesse. Allons, faites-les entrer. Prenez vos places, mesdames. Je trouve cruel de voir quelques pauvres diables se démener pour rien. Mais ce n'est pas cela que nous verrons. Pourtant, on vient de nous prévenir que ces gens-là ne savent rien faire. Nous n'en serons que plus gracieux de les remercier pour rien. Notre plaisir sera de comprendre bien ce qu'ils auront, eux, compris mal. Quand la bonne volonté n'aboutit pas, c'est à nous de distinguer les intentions et de les préférer au talent. Souvent, à mes retours de voyage, de grands savants m'attendaient aux portes de la ville avec des discours bien étudiés. Mmh. Et il m'est arrivé de les voir se troubler et s'arrêter court au milieu d'un compliment. Croyez-moi, ce compliment s'envolait alors tout seul vers moi, de leur silence. Mmh. Une gorge nouée par l'émotion en dit plus long qu'une bouche pleine de paroles. Et la maladresse est quelquefois le plus grand avocat du monde. S'il plaît à votre grâce, le prologue est tout prêt. Qu'il entre! Paraît le prologue et autour de lui ses comédiens, Pyrame, Thisbé, le mur, le clair de lune et le lion. Mais seigneurie, vous allez peut-être vous demander qui sont ces gens-là. Eh bien, donnez-moi une minute et je m'en vais vous expliquer tout. Le grand qui est là, c'est Pyrame. Ah, seigneur. La belle dame qui est à côté de lui, c'est Thisbé. Seigneur. Naturellement. Cet homme couvert de plâtre, c'est le mur. Mais seigneur, le méchant mur qui sépare nos amants. Mais ce mur a un trou. Et par ce trou, les malheureux pourront se murmurer leur amour. Ah. Quant à cet homme que vous voyez là avec sa lanterne, son chien et son fagot, c'est le clair de lune. Mais seigneur, vous devinez déjà que la présence de la lune n'empêchera pas nos amants de faire l'amour fût-ce même sur la tombe du pauvre Ninus. Quant à cette affreuse bête qui est un lion, tout simplement, le seigneur, sa vue frappera Thisbé d'épouvant. Et Thisbé, en courant, laissera tomber son manteau par terre. Alors, le lion se précipitera sur le manteau et s'essuiera les dents avec. Mais le lion avait des mâchoires sanguinolentes. Résultat, un manteau taché de sang. C'est alors qu'arrive d'un pas léger le souriant Pyram. Pyram se penche. Il voit quoi? Le manteau de Thisbé gonflé comme un cadavre. Alors, tirant d'un coup son épée au grand cœur, il se perce le sien qui n'avait jamais peur. Pendant ce temps, la pauvre Thisbé attendait à l'ombre d'un mûrier. Elle se retourne, elle comprend, elle se tue. Pour le reste, le lion, la lune, le mur et les amants vous raconteront leurs exploits. Je me demande si le lion a vraiment le droit de parler. Pourquoi pas? Il y a tant d'ânes qui refusent de se taire. Mes seigneurs, dans cette pièce, il se trouve que moi qui m'appelle Snoop le reste du temps. Je représente un mur tout pendu, tout crevassé. Et c'est à travers moi que les amants se chuchotent leurs secrets. Ce plâtre et cette bride sont là tout exprès pour vous dire que je ne mens pas. Et c'est à gauche et à droite de cette crevasse que Pyram et Thisbé viendront timidement roucouler. Peut-on demander à un mur de mieux raconter ce qu'il a vu? Oui, c'est bien la cloison la plus indiscrète que j'ai jamais entendue. Silence, Pyram s'approche du mur. Bonne nuit, spectre grognon tout barbouillé de noir, et qu'on trouve à sa porte chaque fois que le jour n'y est plus. Ô nuit, hélas, hélas, hélas, hélas, je crains que ma Thisbé n'ait oublié sa promesse. Et toi, ô joli mur, gentil mur mitoyen qui sépare la propriété de son père de celle du mien, donne-moi ta crevasse que je puisse voir au travers. Le mur tend la main et écarte les doigts. Merci, mur. Merci de ta politesse. Jupiter te la rendra au ciel. Mais que vois-je? Ce n'est pas Thisbé? Au mur, vieux scélérat trompeur et sardonique, tu me promets Thisbé? Tu me donnes des briques. Mais ce mur devrait riposter. Non, mon prince, il n'y a rien à dire. « Tu me donnes des briques » sont les mots qui amènent la réplique de Thisbé. Et moi, je dois rester là pour épier son arrivée. Non, mais tout va se passer comme je vous le dis. La voici qui vient. Oh, muraille plantée entre moi et mon beau Pyram. Chaque nuit, tu entends mes gémissements. Ma bouche est une cerise qui tombe en baiser sur tes pierres collées ensemble, avec un peu de mortier. Cette voix... Mais c'est la sienne. Profitons de la crevasse, Thisbé. Laisse-toi, mon amour, dois te croire. Crois tout ce que tu voudras, mais viens. Je te serai fidèle toute la vie. Et moi, jusqu'à la mort. Comme Ménélas. Et moi, comme Hélène. Comme Jupiter. Et moi, comme Junon. Oh, Thisbé, embrasse ton Pyram par le trou de ce mur. Embrasse le trou du mur. Et ne trouve pas tes lèvres. Alors veux-tu me rejoindre au tombeau de Ninus? Marche vive! J'y serai! Il suffit que l'imagination du public monte sur la scène et complète le spectacle. Mais alors c'est le public qui fait la pièce et non l'auteur. Je crois. Et pourtant, si nous ne disons jamais plus de mal de ces gens-là qui n'en pensent eux-mêmes, ils passeront bien vite pour merveilleux. Mais voici venir deux nobles bêtes, la lune et un lion. Mesdames, vous dans le petit cœur bat si fort, et que ce monstre qu'on appelle une souris s'en va trottant sur le plancher, que va-t-il advenir de vous quand vous entendrez le rugissement du lion? Aussi, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un lion. Je suis un certain Snug Meunier. D'ailleurs, si j'étais un lion, je vous assure que moi-même, je ne me sentirais pas très rassuré. Une bien gentille bête et une bonne âme. La meilleure âme de bête que j'ai jamais entendue, monseigneur. Bref, un lion qui a le courage d'un renard. Et la prudence du noir. Oui, mais d'ordinaire, c'est le courage qui l'emporte et le renard qui mange l'oie. Eh bien, cette fois, c'est l'oie qui mangera le renard. Mais laissons-le à sa prudence et écoutons la lune. Messeigneurs, cette lanterne représente la lune avec ses cornes. Et il a tort de ne pas porter franchement ses cornes sur la tête. Au contraire, la lune a cet avantage sur bien des gens qu'elle perd ses cornes à mesure qu'elle prend du ventre. Cette lanterne représente la lune avec ses cornes. Et moi-même, je suis l'homme qu'on voit dans la lune. Ah, cette fois, je proteste. Je veux bien que la lanterne représente la lune, mais alors je demande que l'homme soit dans la lanterne. Ce gros été noir sur cette petite chandelle, inutile, monseigneur. Regardez, regardez, elle s'éteint déjà. Oui, cette lune me paraît bien mélancolique. Je demande un changement de lune. De sa lueur, j'augure qu'elle est sur son déclin. Mais par courtoisie, nous attendrons qu'elle s'en aille d'elle-même. Continue, lune. Tout ce que j'ai à dire, c'est pour déclarer que cette lanterne, c'est la lune. Moi, l'homme qu'on voit dans la lune, ce fagot mon fagot et ce chien mon chien. N'empêche que logiquement, tout ça devrait se trouver dans la lanterne, enfin. Ah, silence, voici Thisbé. Me revoici, tremblant, tout au bout de Ninus. Mais où est mon amant? Thisbé s'enfuit en laissant tomber son manteau. Bien rugi, Lion. Bien couru, Thisbé. Bien brillé, Lune. Vraiment, cette pauvre Lune fait tout ce qu'elle peut. Le lion déchire le manteau de Thisbé. Bien déchiré, Lion. Et là-dessus, voici Pyram. Et le lion qui s'éclipse. Merci, Lune. Merci de tes rayons solaires. Merci, douce Lune, de briller si fort dans le ciel. Puisque sous le torrent de tes ondes dorées, mes yeux verront de loin poindre la très fidèle Thisbé. Mais que vois-je? C'est affreux! Quel carnage sous mes yeux! Dois-je le croire? Mon petit pigeonneau, mon amour! Ton manteau du dimanche est tout couvert de sang! Approchez-vous, furie! Parc et destinée! Coupez, coupez mon fil et emmenez-moi! Frappez-moi! Abattez-moi! Écrasez-moi! Achevez-moi! Il s'en est fallu de peu que je ne prenne ces cris au sérieux. Maudit soit mon cœur, voilà que je commence à avoir pitié du malheur de cet homme. Ô nature, qu'est-ce qu'il t'a pris de vouloir créer des lions? Et surtout ce lion qui est venu mettre à feu et à sang ma maîtresse. Ma maîtresse qui est... Non, non, qui était la plus belle dame d'amour et d'amitié, les plus jolis yeux qui se soient tournés jamais vers la lumière. Venez mes larmes et brûlez-moi. Dresse-toi mon épée et perce le poitrail de Pyram. Oui, ce téton gauche où j'entends mon cœur gambader comme un dadais. Tenez Pyram, voilà pour vous. Mourez, mourez, mourez. Et maintenant, vous voilà mort Pyram. Votre âme est là-bas au ciel. Tais-toi ma langue et retourne à ton obscurité. Et vous lune, reprenez votre vol. Adieu Pyram, les dés sont jetés. Tu es décédé. En fait, de dés, il a dû jeter un as car il est tout seul. Et même un as à 5 car il se l'est percé. Et quand il se relèvera, cet as ne sera plus qu'un âne. Il me semble que la lune s'en est allée un peu trop tôt. Comment Thisbé pourra-t-elle retrouver son amant? Et à la clarté des étoiles, tout simplement. La voici qui vient. Et sa douleur va terminer la pièce. Espérons que ce Pyram-là ne va pas lui inspirer une douleur éternelle. Si on mettait leurs deux cœurs sur les plateaux d'une balance, un brin de paille suffirait à les départager. Oui. Tenez, tenez, tenez, elle l'a déjà trouvé. Rien qu'en tournant vers lui ses jolis yeux. Et elle commence à gémir. Attention. Endormi, mon amour. Quoi mort, mon pigeonneau. Oh, Pyram, lève-toi. Parle-moi. Alors quoi? Muet? Mort, mort. Un tombeau sur tes yeux charmants. Ta bouche qui est un lys, ton nez qui est une cerise, tes joues qui sont des primes vertes, tout cela n'est plus, n'est plus, n'est plus rien. Ah, que tous les amoureux gémissent. Ses yeux étaient verts comme des poireaux. Oh vous, les trois sœurs Parc, venez, venez par ici, et que vos mains pâles comme du lait se glissent dans mon sang, puisque vos ciseaux tranchés, le fil de soie de son destin. Ah, tais-toi ma langue, et tais-toi mon épée, ah, plonge-toi dans ce sang. Et bonsoir mes amis, et c'est ainsi qu'est morte Thisbé, en disant bonsoir, bonsoir. Le clair de lune et le lion sont restés pour ensevelir les morts. Et le mur aussi. Ah non, pas le mur, le mur mitoyen vient d'être démoli. Et maintenant, que désirent vos seigneuries? Un épilogue ou une danse bergamasque? En tout cas, pas d'épilogue. D'ailleurs, cette comédie se défend très bien d'elle-même, et quand tous les acteurs sont morts, il ne reste plus personne à condamner. Parbleu, si l'auteur de cette pièce avait joué le rôle de Pyram et s'était pendu à la jarretière de Tisbé, cela aurait fait une belle tragédie. Mais telle qu'elle est, je la trouve déjà suffisante et fort bien représentée. Donc, pas d'épilogue. Une danse. La langue de fer de minuit a compté ses 12 coups. Au lit, les amants, voici l'heure des fées. J'ai bien peur que tout ce temps volé au sommeil, le sommeil ne nous le reprenne demain matin. Cette pièce absurde nous a rendus sourds à ce bruit de pas léger que fait la nuit. Au lit, les amants. Entre Puck. Voici l'heure où le lion rugit, où le loup hurle la lune, tandis que le paysan ronfle sa journée faite. Voici l'heure où la chandelle crépite et va s'éteindre, tandis que la chouette jette sa plainte qui secoue le malade sous ses draps, et soudain lui glisse l'idée qu'il est mort. Voici l'heure où les cimetières s'ouvrent et lâchent leurs fantômes. Et nous, les esprits follets qui dansons sur les quatre chevaux de la lune comme des rêves sur un homme endormi, voici l'heure de notre bon plaisir. Aucune souris n'ose plus remuer la patte dans le grenier de cette maison. Car me voici, moi, le premier du cortège, avec ce grand balai pour enlever la poussière devant la porte. Entre Oberon, Titania et leur suite. Sous la lueur de cette maison tranquille, que chacun de vous se pose, ici ou là, comme l'oiseau sur la branche, et chante tout bas, et saute sans bruit. D'abord la chanson, à chaque mot son écho. Vous avez jusqu'au point du jour pour vous promener dans cette maison, tandis que nous bénirons trois couples d'amants et toutes les générations qui prendront leur souche cette nuit. Que chacun de vous, de son côté, répande toute la rosée des champs dans chaque chambre. Mais n'oubliez pas de nous rejoindre au point du jour. Si les ombres que nous sommes vous ont déplu, ne leur en gardez pas trop rancune. Dites-vous simplement que vous dormiez tandis qu'elles défilaient devant vous. Mais si nous sommes devenus amis, donnez-moi la main. Donnez-nous toutes vos mains. Et aussi vrai que je m'appelle Puck, nous tâcherons de faire mieux la nuit prochaine. En nouvelle diffusion, Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, dans une adaptation de Georges Neveu, et avec une musique originale de Georges Auric. Voici quelle en était l'interprétation dans l'ordre de leur arrivée au micro. Thésée, Louis Arbessier. Hippolyte, Jacqueline Moran. Égée, Georges Baconnet. Hermia, Moni Dalmès. Lysandre, Roland Alexandre. Démétrios, Jacques Dacmine. Hélène, Jean Deligne. Le Coin, André Bruno. Bottom, Bernard Lajarige. Flûte, Jean Tissier. Snoot, Temerson. Snug, Edmond Beauchamp. Philostrate, André Carnège. Maurice Escande et Théo Béron. Lucienne Bogart, Titania. Hieronymus, Puck. Et Bernadette Lange, Lily Sioux et René Dandry, Les Fées. L'orchestre était dirigé par Marc Vaubourgoin. Chef opérateur du son, Karl Vasseur. L'émission était réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Cette comédie a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 24 novembre 1949. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».